Chapitre 7e, un drame au théâtre. En dehors des concerts dominicaux, les distractions étaient rares à Monzy. Les habitants réclamaient depuis longtemps la construction d'une salle de théâtre. La municipalité ayant enfin concédé un terrain suffisant, les travaux furent poussés activement. Outre le budget municipal, celui des particuliers fut mis à contribution. Chaque personnalité voulut participer à la construction du théâtre. Mon père avait fait cadeau de tout le matériel métallique nécessaire. Les charpentes, les praticables, le rideau de fer venaient en ligne droite des usines Alstine, au grand désespoir de l'actuel député de Monzy, qui n'avait pu lutter avec tant de générosité. Il avait pourtant donné le lustre. Lorsque la salle de théâtre fut entièrement achevée et la date de l'inauguration fixée, le maire vint lui-même inviter mon père et sa famille. Tout Monzy assista à cette inauguration, le monde officiel en tête. Bien qu'une troupe de second ordre chantât mignon sans éclat, juste moi-même pris plaisir à cette solennité si tant de graves soucis ne m'eussent obsédé. La première partie du spectacle se déroula sans incident. Mais le rite devenait à peine de se relever sur le troisième acte, lorsqu'un craquement prolongé se fit entendre dans les hauteurs de la salle. Je ne bougeais pas. Un second craquement, bref, celui-là mais plus formidable, m'assourdit. Une obscurité complète se fit en même temps. Une catastrophe venait de se produire. Quand mes oreilles furent de nouveau capables de percevoir les sons, j'entendis les cris d'une foule en proie à la panique. La rampe seule était restée allumée. Elle éclairait suffisamment pour qu'il me fût possible de voir les spectateurs se bousculer en désordre vers les sorties. À travers la poussière, ils bondissaient au-dessus des fauteuils, les hommes cherchant à coups de poing et de canne à se frayer une issue. Mais les hideuses, qui heureusement ne dura que quelques minutes. Un peu de calme suivit. De notre loge, on pouvait admirablement se rendre compte de ce qui s'était passé. Une partie du plafond avait cédé et s'était écroulée. Je descendis. On entendait des cris de douleur. Il y avait certainement des blessés. Mon père, après m'avoir fait sortir, rentra pour relever les victimes et organiser les secours. Les artistes avaient été les premiers à reprendre leur sang-froid. Déjà, portée par eux, une femme avait été retirée des décombres. Je la fis placer dans notre auto qui la transporta à l'hôpital. Elle revint aussitôt chercher les autres. Elle transportait ainsi deux morts, dont un enfant de 9 ans et 17 blessés. L'un de ceux-ci, la femme qui avait été secourue la première, succomba le lendemain. C'est un miracle si le nombre des blessés n'a pas été plus élevé. Vous pouvez deviner quel fut notre retour dans l'auto, souillé du sang des victimes. Il était 4 heures du matin lorsque nous arrivâmes à la maison où tout le monde dormait sans se douter de rien. Le petit jour naissait déjà. « As-tu éclairci la cause de l'accident ?» demandai-je à mon père avant de le quitter. « Il est certain qu'une charpente métallique a cédé. Les montants sont cassés, nets comme du verre. Une malfaçon peut-être. Mais va dormir, tu en as grand besoin. » Le lendemain, le chagrin de mon père fut plus apparent encore. Il apprit que l'entrepreneur qui avait construit la salle était poursuivi pour homicide par imprudence. L'architecte fut également accusé. Ces deux affaires n'ont pas encore eu leur dénouement devant la justice, mais la cause initiale de la catastrophe était la charpente provenant de l'usine Alstine. Le surlendemain, le journal réactionnaire, le Phare de Monzy, ne se fit pas faute de le faire remarquer. Ce fut le début de toute une campagne de presse où furent rappelés les accidents mortels survenus à des ouvriers de chez nous. Mon père seul en était responsable, et le journal alla jusqu'à réclamer l'ouverture de poursuites judiciaires contre lui. Il préconisa aussi la fermeture pure et simple d'une usine construite, disait-il, sans garantie suffisante, et qui constituait un danger permanent pour les ouvriers. Cette campagne eût pu avoir les effets les plus désastreux si mon père n'avait eu l'appui du sous-préfet et des pouvoirs publics. Elle pouvait, en tout cas, léser gravement nos intérêts. Il devenait d'autant plus urgent, pour sauvegarder l'honneur de la firme et rétablir la situation politique de mon père, de découvrir sans retard les véritables criminels, s'ils existaient, comme disait mon frère Lucien.